L'actualité à Nancy et ailleurs. Début avril, à Gerville-la-Malgrange, la Cité du Fer accueillera le jury du concours régional Atelier d'Art de France, une compétition qui met en lumière les savoir-faire artisanaux du Grand Est. Et ça annonce aussi les journées européennes des métiers d'art qui se dérouleront pour la Cité du Fer les 11 et 12 avril. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Camille et Farida. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter votre fonction, votre rôle à la Cité du Fer. On commence avec Camille. Donc, je suis Camille, je suis actuellement stagiaire à la Cité du Fer pour la coordination des journées européennes des métiers d'art principalement. Moi je suis Farida, je suis étudiante en master et je suis aussi stagiaire à la Cité du Fer pour l'organisation des GEMA. La Cité du Fer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, alors Cité du Fer, F-A-I-R-E, c'est toujours important de le rappeler. Vous pouvez nous rappeler un peu la magie de ce lieu et tout ce qu'on y fait? Alors la Cité du Fer, c'est un tiers-lieu de production où on a des résidents qui sont des artisans du coup, qui exercent leur métier. C'est des métiers d'art, et c'est souvent des métiers passion, et c'est des auto-entrepreneurs. Chaque artisan représente une entreprise. D'accord, ils sont combien aujourd'hui à peu près Ils sont 25, il y a 25 résidents. Et donc je le disais en début avril, le 8 avril précisément, vous allez accueillir à la Cité du Fer un jury. Pouvez-vous nous présenter un peu ce concours en quelques mots? Donc ce concours, il existe depuis 2012, et cette année, pour la région Grand Est, il y a eu 27 candidatures, dont 12 qui ont été retenues. Il y a deux lauréats pour deux catégories différentes. Il y a la catégorie patrimoine slash restauration et la catégorie création. Donc cette année, il y a 11 personnes retenues pour la catégorie création et une seule personne pour la catégorie restauration. La cérémonie aura lieu à la Cité du Fer et les 12 pièces présentées seront présentes pour le week-end des Journées européennes des métiers d'art qui seront visibles par le public voilà, à Gerville. On va y revenir après, mais on s'arrête déjà un peu sur les différents profils que, alors sans tous les citer parce qu'il y en a quand même un certain nombre, quel type de profil on va retrouver dans ces artisans d'art? Il y a différents métiers qu'on peut aussi retrouver justement à la Cité du Fer. On a de la broderie, de la céramique. On a une personne qui fait des poêles en faïence, donc qui vient d'Alsace. On a différents métiers représentés et du coup, des œuvres exceptionnelles et très variées. Cette année, on a aussi une résidente de la Cité du Fer qui participe au concours, qui est Juliette Tincelin, qui est bijoutière joaillière. Donc un jury que vous allez accueillir, comment ça va se passer cette journée-là? Alors, c'est le 8 avril. On accueille le jury et les pièces. C'est pas ouvert au public. Il y aura les pièces des artisans qui ont concouru et ils vont tout simplement présenter leurs pièces au concours avec un certain nombre de critères qu'ils devront remplir. Et ensuite, il y aura la délibération des jurys et la remise des prix. Premier prix création et premier prix restauration. Et vous l'avez dit, les 11 et 12 avril, là, c'est ouvert au public. C'est les Journées européennes des métiers d'art. Comment ça va se passer ce week-end à la Cité du Fer? La Cité du Fer, elle, comme on l'a dit précédemment, elle est très rarement ouverte au public. Donc là, c'est un petit peu le moment pour venir visiter et découvrir les métiers d'art et le savoir-faire. C'est ouvert de 10h à 18h, donc sur les deux jours. Il y a aussi la Benne Idée, qui est une recyclerie qui se trouve juste à côté, qui sera ouverte le dimanche. Pareil, où il y aura des visites et possiblement des achats. Nos artisans résidents, pour ceux qui sont présents, vont ouvrir leur atelier, tout simplement pour que les gens puissent visiter, discuter avec eux librement. Ils pourront aussi faire des petites démonstrations, voilà, pour aussi qu'on visualise mieux leur métier. Et il y aura un concert, et le samedi et le dimanche, avec Oriane Faure, qui a étudié la lutherie à Mirecourt. Et on a quelques artisans extérieurs à la Cité du Fer, dont justement certains qui ont été sélectionnés pour le concours Atelier d'Art de France, qui restent le week-end pour présenter leurs œuvres, qui du coup restent là le week-end, et aussi parler de leur métier, voilà. Donc c'est un moment de partage et de découverte pour tout le public. Il faut savoir que la Cité du Fer, du coup, on a dit que c'était un tiers-lieu de production, donc c'est un lieu de travail principalement. Donc là, c'est l'occasion de découvrir le travail des artisans. Et on aura aussi Natacha de NDK Céramique qui fera des cours de céramique. C'est l'occasion aussi d'apprendre à faire soi-même. Et si vous souhaitez réserver, les informations sont sur les réseaux sociaux La Cité du Fer. Voilà, et on redonne les horaires d'ouverture lors des 11 et 12 avril. Ce sera de 10h à 18h sur les 10 jours du, coup, du week-end. Merci à toutes les deux pour cette Merci présentation. Beaucoup. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.